Chapitre 36e, le départ. En sortant de chez la reine, le roi se trouva immédiatement entouré de tous les officiers et de toutes les personnes de sa maison désignées par lui pour faire avec lui le voyage de Paris. C'étaient messieurs de Beauvau, de Villeroy, de Nesle et d'Estaing. Gilbert attendit, confondu au milieu de la foule, que Louis XVI l'aperçut, ne fût-ce que pour lui jeter en passant un regard. Il était visible que tout ce monde-là était dans le doute et qu'on ne pouvait croire à la persistance de ses décisions. « Après déjeuner, messieurs, dit le roi, nous partons. » Puis, apercevant Gilbert, « Ah, vous voilà, docteur, continua-t-il. Très bien, vous savez que je vous emmène. À vos ordres, sire. » Le roi passa dans son cabinet où il travailla 2 heures. Il entendait ensuite la messe avec toute sa maison, puis, vers 9 heures, il se mit à table. Le repas se fit avec le cérémonial accoutumé. Seulement la reine, que l'on voyait depuis la messe avec des yeux gonflés rouges, voulut, sans y prendre part le moins du monde, assister au repas du roi, afin de demeurer plus longtemps devant lui. La reine avait amené ses 2 enfants qui, tous 2 émus déjà sans doute par les conseils maternels, promenaient leurs yeux inquiets du visage de leur père à la foule des officiers et des gardes. Les enfants, de temps en temps, essuyaient en outre, sur l'ordre de leur mère, une larme qui venait poindre leurs cils, et ce spectacle animait de pitié les uns, de colère les autres, de douleur toute l'assemblée. Le roi mangea stoïquement. Il parla plusieurs fois à Gilbert sans le regarder. Il parla presque constamment à la reine et toujours avec une affection profonde. Enfin, il donna des instructions à ses capitaines. Il achevait son repas lorsqu'on vint lui annoncer qu'une colonne épaisse d'hommes à pied venant de Paris apparaissait à l'extrémité de la grande allée qui aboutit à la place d'armes. À l'instant même, officiers et gardes s'élancèrent hors de la salle. Le roi leva la tête, regarda Gilbert, mais voyant que Gilbert souriait, il se remit tranquillement à manger. La reine pâlit, se pencha vers M. de Beauvau pour le prier de s'informer. M. de Beauvau courut précipitamment dehors. La reine s'avança vers la fenêtre. 5 minutes après, M. de Beauvau rentra. « Sire, dit-il en rentrant, ce sont les gardes nationaux de Paris, qui sur le bruit qui s'est répandu hier dans la capitale du dessein qu'aurait votre majesté d'aller voir les Parisiens, se sont réunis au nombre d'une 10 000 pour venir au-devant de vous. Et tout en venant au-devant de vous, voyant que vous tardiez, ils ont poussé jusqu'à Versailles. « Quelles intentions paraissent-ils avoir ? » demanda le roi. « Les meilleurs du monde, » répondit M. de Beauvau. « N'importe, dit la reine, fermez les grilles. »« Gardez-vous-en, dit le roi, c'est bien assez que les portes du palais restent fermées. » La reine fronça le sourcil et lança un coup d'œil à Gilbert. Celui-ci attendait son regard de la reine, car la moitié de sa prédiction était réalisée déjà. Il avait promis l'arrivée de 20 000 hommes, il y en avait déjà 10 000. Le roi se retourna vers M. de Beauvau. « Veillez à ce qu'on nous donne des rafraîchissements à ces braves gens, dit-il. » M. de Beauvau descendit une seconde fois et transmit au sommelier les ordres du roi. Puis il remonta. « Eh bien ? » demanda le roi. « Eh bien, sire, vos Parisiens sont en grande discussion avec messieurs les gardes. »« Comment ? » fit le roi. « Il y a discussion ? Oh, de pure courtoisie ! Comme ils ont appris que le roi part dans 2 heures, ils veulent attendre le départ du roi et marcher derrière le carrosse de sa majesté. »« Mais, » demanda à son tour la reine, « ils sont à pied, je suppose. »« Oui, madame. »« Eh bien, mais le roi a des chevaux, à sa voiture, et le roi va vite, très vite. »« Vous savez, monsieur de Beauvau, que le roi a l'habitude d'aller très vite. » Ces mots ainsi accentués signifiaient « attacher des ailes à la voiture de sa majesté ». Le roi fit de la main signe d'arrêter le colloque. « J'irai au pas, » dit-il. La reine poussa un soupir qui ressemblait presque à un cri de colère. « Il n'est pas juste, » ajouta tranquillement Louis XVI, « que je fasse courir ces braves gens qui se sont dérangés pour me faire honneur. J'irai au pas, et même au petit pas, afin que tout le monde puisse me suivre. » L'assemblée témoigna son admiration par un murmure approbatif, mais en même temps, on vit sur plusieurs visages le reflet de cette improbation qui éclatait manifestement dans les traits de la reine, pourtant de bonté d'âme qu'elle traitait de faiblesse. Une fenêtre s'ouvrit. La reine se retourna étonnée. C'était Gilbert, qui, en sa qualité de médecin, usait de son droit de faire ouvrir pour renouveler l'air de la salle à manger, épaissie par l'odeur des mets et la respiration de plus de 100 personnes. Le docteur se plaça derrière les rideaux de cette fenêtre ouverte, et par la fenêtre ouverte montèrent les voix de la foule assemblée dans la cour. Qu'est-ce que cela ? Demanda le roi. Sire, répondit Gilbert, ce sont les gardes nationaux qui sont sur le pavé au grand soleil et qui doivent avoir bien chaud. Pourquoi ne pas les inviter à venir déjeuner avec le roi ? Dit tout bas la reine, un de ses officiers favoris. Il faudra les conduire à l'ombre, les mettre dans la cour de marbre, sous les vestibules, partout il y aura un peu de fraîcheur, dit le roi. 10 000 hommes dans les vestibules ? S'écria la reine. Répartis partout, ils tiendront, dit le roi. Répartis partout ? Dit Marie-Antoinette. Mais monsieur, vous allez leur apprendre le chemin de votre chambre à coucher. Prophétie de l'effroi qui devait se réaliser à Versailles même avant qu'il fût 3 mois. Ils ont beaucoup d'enfants avec eux, madame, dit doucement Gilbert. Des enfants ? Fit la reine. Oui, madame, un grand nombre ont amené leurs enfants comme pour une promenade. Les enfants sont habillés en petits gardes nationaux, tant l'enthousiasme est grand pour la nouvelle institution. La reine ouvrit la bouche, mais presque aussitôt elle baissa la tête. Elle avait eu envie de dire une bonne parole, l'orgueil et la haine l'avaient arrêtée. Gilbert la regarda attentivement. Hé ! S'écria le roi, c'est pour vos enfants. Quand on emmène des enfants avec soi, c'est qu'on n'a pas envie de mal faire à un père de famille. Raison de plus pour les mettre à l'ombre, ces pauvres petits. Faites entrer, faites entrer. Gilbert, secouant alors doucement la tête, parut dire à la reine, qui avait gardé le silence, « Voilà, madame, voilà ce que vous auriez dû dire. Je vous en fournissais l'occasion. Le mot eût été répété, et vous y gagniez 2 ans de popularité. » La reine comprit ce langage muet de Gilbert, et la rougeur lui monta au front. Elle sentit sa faute, et s'excusa aussitôt par un sentiment d'orgueil et de résistance qu'elle renvoya comme réponse à Gilbert. Pendant ce temps-là, M. de Beauvau s'acquittait auprès des gardes nationaux de la commission du roi. Alors on entendit des cris de joie, et les bénédictions de cette foule armée admise, d'après les ordres du roi, dans l'intérieur du palais. Les acclamations, les vœux et les vivats montèrent en tourbillons épais jusqu'aux 2 époux, qu'ils rassurèrent sur les dispositions de ce pari tant redouté. « Sire, dit M. de Beauvau, quel ordre votre majesté fixe-t-elle à son cortège ?»« Et cette discussion de la garde nationale avec mes officiers ?» demanda le roi. « Oh, sire, évaporé, évanoui. Les braves gens sont tellement heureux qu'ils disent maintenant « Nous irons où l'on nous mettra. Le roi est à nous aussi bien qu'aux autres. Partout où il ira, il sera à nous. » Le roi regarda Marie-Antoinette crispée par un sourire ironique, sa lèvre dédaigneuse. « Dites aux gardes nationaux, dit Louis XVI, qu'ils se mettent où ils voudront. « Votre majesté, dit la reine, n'oubliera pas que c'est un droit inaliénable de ces gardes du corps d'entourer le carrosse. » Les officiers, voyant le roi un peu incertain, s'approchèrent pour appuyer la reine. « C'est juste, au fond, dit le roi. Eh bien, on verra. » M. de Beauvau et M. de Villeroy partirent pour prendre leur rang et donner les ordres. 10 heures sonnaient à Versailles. « Allons, dit le roi, je travaillerai demain. Ces braves gens ne doivent pas attendre. » Le roi se leva. Marie-Antoinette ouvrit les bras et vint embrasser le roi. Les enfants se pendirent en pleurant au cou de leur père. Louis XVI, attendri, s'efforça de se soustraire doucement à leurs étreintes. Il voulait cacher l'émotion qui n'aurait pas tardé à déborder. La reine arrêtait tous les officiers, saisissait celui-ci par le bras, celui-là par son épée. « Messieurs, messieurs, » disait-elle. Et ses éloquentes exclamations leur recommandaient le roi qui venait de descendre. Tous mirent la main à leur cœur et à leur épée. La reine sourit pour remercier. Gilbert demeurait parmi les derniers. « Monsieur, lui dit la reine, c'est vous qui avez conseillé ce départ au roi. C'est vous qui avez décidé le roi malgré mes supplications. Songez, monsieur, que vous avez pris une effrayante responsabilité devant l'épouse et devant la mère. « Je le sais, madame, » répondit froidement Gilbert. « Et vous me ramènerez le roi sain et sauf, monsieur ?» dit la reine avec un geste solennel. « Oui, madame. Songez que vous me répondez de lui sur votre tête. » Gilbert s'inclina. « Songez-y sur votre tête !» répéta Marie-Antoinette avec la menace et l'impitoyable autorité d'une reine absolue. « Sur ma tête, » dit le docteur en s'inclinant. « Oui, madame, et ce gage, je le regarderai comme un otage de peu de valeur, si je croyais le roi menacé. Mais je le dis, madame, c'est au triomphe que je conduis aujourd'hui sa majesté. »« Je veux des nouvelles toutes les heures, » ajouta la reine. « Vous en aurez, madame, je vous jure. » « Partez maintenant, monsieur. J'entends les tambours. le roi va se mettre en route. » Gilbert s'inclina et, disparaissant par le grand escalier, se trouva en face d'un aide-de-camp de la maison du roi qui le cherchait de la part de Sa Majesté. On le fit monter dans un carrosse qui appartenait à M. de Beauvau, le grand maître des cérémonies n'ayant pas voulu qu'il se plaçât, n'ayant pas fait ses preuves, dans un des carrosses du roi. Gilbert sourit en se voyant seul dans ce carrosse armorié, M. de Beauvau étant à cheval et caracolant près de la portière royale. Puis il lui vint à l'idée qu'il était ridicule à lui d'occuper ainsi une voiture ayant couronne et blason. Ce scrupule lui durait encore, quand au milieu de la foule des gardes nationaux qui serraient les carrosses, il entendit ces mots chuchotés par des gens qui se penchaient curieusement pour le regarder. « Ah, celui-là, c'est le prince de Beauvau. » « Eh, dit un camarade, tu te trompes. Mais si, puisque le carrosse est aux armes du prince. Aux armes, je te dis que cela n'y fait rien. Par Dieu, les armes, qu'est-ce que cela prouve ?» Cela prouve que si les armes de M. Beauvau sont sur la voiture, c'est M. de Beauvau qui doit être dedans. « M. de Beauvau est un patriote ?» demanda une femme. « fit le garde national. Gilbert sourit encore. « Mais je te dis, répliqua le premier contradicteur, que ce n'est pas le prince. Le prince est gras, celui-là est maigre. Le prince a un habit de commandant des gardes, celui-là est en habit noir, c'est l'intendant. » Un murmure désobligeant accueillit la personne de Gilbert défigurée par ce titre peu flatteur. « Eh non, mort diable !» cria une grosse voix, au son de laquelle tressaillit Gilbert. La voix d'un homme qui, avec ses coudes et ses poings, se fit passage vers la voiture. « Non, ce n'est ni M. de Beauvau, ni son intendant. C'est ce brave et fameux patriote, et même le plus fameux des patriotes. Eh, M. Gilbert, que diable faites-vous dans le carrosse d'un prince ?»« Tiens, c'est vous, père Billot. » s'écria le docteur. « Vous, ici ! Pardieu ! Je me suis mégardé de manquer l'occasion, » répondit le fermier. « Et Pitou ?» demanda Gilbert. « Oh, il n'est pas loin ! Oh, la Pitou, avance ici ! Voyons, passe !» Et Pitou, sur cette invitation, se glissa par un rude jeu des épaules jusqu'auprès de Billot et vint saluer avec admiration Gilbert. « Bonjour, monsieur Gilbert, » dit-il. « Bonjour, Pitou. Bonjour, mon ami. Gilbert, Gilbert, qui est cela ? » demanda la foule. Ce que c'est que la gloire, pensait le docteur. Bien connu à Villers-Cotterêts, oui, mais à Paris, bien de la popularité. Il descendit du carrosse, qui se remit à aller au pas, et s'appuyant sur le bras de Billot, il continua la route à pied au milieu de la foule. Il raconte alors en peu de mots au fermier sa visite à Versailles, les bonnes dispositions du roi et de la famille royale. Il fit en quelques minutes une telle propagande de royalisme dans ce groupe que naïf et charmé, ces braves gens, encore faciles aux bonnes impressions, poussèrent un long cri de « Vive le roi !» qui s'en alla, grossi par les files précédentes, assourdir Louis XVI en son carrosse. « Je veux voir le roi !» dit Billot électrisé. « Il faut que je le voie de près. J'ai fait le chemin pour cela. Je veux le juger par son visage. Un œil d'honnête homme, cela se devine. Approchons. « Approchons, monsieur Gilbert, voulez-vous ?»« Attendez, cela va nous être aisé, » dit Gilbert, « car je vois un aide-de-camp de monsieur de Beauvau qui cherche quelqu'un de ce côté. » En effet, un cavalier, manœuvrant avec toutes sortes de précautions parmi ses groupes de marcheurs fatigués mais joyeux, cherchait à gagner la portière du carrosse qu'avait quitté Gilbert. Gilbert l'appela. « N'est-ce pas le docteur Gilbert que vous cherchez, monsieur » demanda-t-il. « Lui-même, » répondit l'aide-de-camp. « En ce cas, c'est moi. » « Bon, M. de Beauvau vous fait appeler de la part du roi. » Ces mots retentissants firent ouvrir les yeux à Billot et les rangs à la foule. Gilbert s'y glissa, suivi de Billot et de Pitou, à la suite du cavalier qui répétait « Ouvrez-vous, messieurs, ouvrez-vous, passage, au nom du roi, messieurs, passage !» Gilbert arriva bientôt à la portière du carrosse royal, qui marchait au pas des bœufs de l'époque mérovingienne.